D'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici d'abord les principaux titres. Tout journaliste burundais est appelé à bien parler de son pays natal. Tel est le message du numéro 1 burundais, Pierre Nkurunziza, à l'endroit des professionnels des médias lors de la séance de moralisation qui s'est tenue dans la province de Ngozi, c'était ce vendredi. Les investisseurs opérant dans le secteur énergétique plaident pour la détaxation de leur matériel de travail pour avoir des sources d'énergie autres que le charbon. Vous l'entendrez dans ce journal. Les jeunes ayant terminé leurs études mais sans emploi devraient s'atteler aux activités génératrices de revenus comme le font certains jeunes de la commune Matana en province Bururi pour faire face au chômage. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. À la présentation, Raissa Liliane Inamahoro et à la mise en onde, Alphonse Kugiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons son journal par cette page politique. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, invite tous les journalistes à bien parler de leur pays natal. Il les a interpellés de prodiguer de bons conseils à leurs enfants pour un bon avenir. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, l'a dit ce vendredi lors de la séance de moralisation qui s'est tenue dans la province de Ngozi à l'intention des professionnels des médias et quelques porte-parole des institutions de l'État. Suivez Alain Diomède Nzeimana, le porte-parole du chef de l'État. Son Excellence le Président de la République indique qu'il est satisfait du pas déjà franchi parce qu'il est en contact permanent avec les journalistes. Il sait que depuis le début de la polarisation de la société, les journalistes ont amélioré leur façon de faire le travail. Son Excellence le Président de la République a indiqué qu'il a terminé le premier chapitre concernant l'histoire du Burundi, que bientôt, d'ailleurs, aujourd'hui, il a commencé un chapitre sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et il a indiqué par deux slogans que nous, en tant que Burundais, nous sommes ce que Dieu et nos parents nous donnent. Son Excellence, le Président de la République, a indiqué qu'en parlant du pays, en parlant des parents et en parlant des relations avec Dieu, ces relations montrent que quand vous avez un parent qui s'est bien comporté dans le passé et qui a préparé un bon avenir pour ses enfants, même après son départ, en tant que fils aux filles de ses parents peuvent continuer à bénéficier du respect qu'il a laissé. En terminant, il a conclu en rappelant que ce que nous sommes aujourd'hui, comment nous préparons ce pays, comment nous préparons notre avenir, si nous terminons bien, c'est-à-dire que nos enfants et nos petits-fils vont bien commencer et ainsi l'on pourra parler d'une génération actuelle qui a bien préparé le Burundi et ce sera un pays qui se respecte. D'ailleurs, ça s'observe un peu partout aujourd'hui que le Burundi a une bonne place dans le Conseil des Nations. Adoption ce mercredi en Conseil des ministres du projet de loi portant révision de l'enseignement supérieur au Burundi. Dans un compte rendu sanctionnant ce Conseil des ministres, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais précise que ce projet de loi réglemente le secteur privé et public en matière d'organisation de l'enseignement supérieur. Prosper Naugwamiye souligne en outre que ce projet de loi organise l'orientation des lauréats des écoles d'excellence qui seront accueillis à l'enseignement supérieur. Suivez-le. L'enseignement supérieur au Burundi est aujourd'hui organisé par la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011. Bien qu'elle ne soit pas très vieille, cette loi nécessite d'être révisée pour diverses raisons. Cette révision vient en effet intégrer les éléments pertinents en rapport avec le cadre national de qualification et de certification. Ce dernier est en effet un outil destiné à montrer les relations qui existent entre les différentes qualifications à différents paliers de l'enseignement fondamental, de l'enseignement post-fondamental, de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation technique et professionnelle. Ce projet réglemente aussi, sans les distinguer, le secteur public et le secteur privé en matière d'organisation de l'enseignement supérieur. Ce projet se réfère également aux normes et standards de la communauté est-africaine en la matière. Ce projet cadre aussi avec le plan national de développement en son axe 5 qui porte sur le renforcement du système éducatif et l'amélioration de l'offre de formation dans l'objectif de développer un système performant conforme aux besoins nationaux et aux normes internationales. C'est dans ce cadre que le cadre national de qualification et de certification fait partie des innovations de ce projet de loi afin d'associer tous les secteurs de formation de la base au sommet. Ce projet organise enfin l'orientation des lauréats des écoles d'excellence qui seront bientôt accueillis à l'enseignement supérieur. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques recommandations à tenir en considération. Vous n'avez pas Isanganiro l'eau ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par cette page santé. Des mesures visant à prévenir l'épidémie de coronavirus ont été instaurées à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile indique que les passagers en provenance de la Chine sont connus d'avance dès leur arrivée. Emmanuel Habimana dit qu'ils sont mis en quarantaine. Suivez-le. Au Burundi, tout au moins à la frontière dont j'ai une responsabilité assez considérable, je veux dire l'aéroport international Melchior Ndadaye, nous avons fait des réunions avec le ministère de la Santé. Nous avons pris toutes les dispositions pour mettre en quarantaine quiconque viendrait de la Chine. Et même le processus d'obtention des visas tient compte des recherches préalables. Et au cas où il y a un passager qui vient directement de la Chine, il passe par la quarantaine. L'autorité de l'aviation civile du Burundi, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous sommes prêts à l'aéroport international Melchior Ndadaye pour lutter, pour prévenir contre le coronavirus. C'était Emmanuel Habimana, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Les entrepreneurs œuvrant dans le secteur énergétique demandent l'exonération de leur matériel de travail pour avoir des sources d'énergie autres que le charbon. Benjamin Bikolimana, directeur général de Bioénergie, une des entreprises opérant dans ce secteur, a exprimé cette demande ce jeudi au cours de l'émission Synergie des médias en rapport avec les alternatives sur les sources d'énergie à part le bois. Le directeur général de l'énergie, Martin Daïdze, répond que le gouvernement est en train d'analyser cette question, à commencer par l'exonération des gaz. Elini Bell, Niibigira. Lors de cette émission sur la protection des arbres par la recherche d'autres alternatives de sources d'énergie, les entreprises œuvrant dans le secteur de l'énergie expriment leurs préoccupations face à la cherté du matériel qu'elles utilisent. Benjamin Bikurimana, directeur général de Bioénergie, une des entreprises œuvrant dans ce secteur, demande auprès du gouvernement des facilités sur l'accès aux capitaux pour ces entrepreneurs ainsi que l'exonération de leur matériel. Il y a des initiatives qui devraient être faites au préalable. Si tu achètes une machine importée, le dédouanement devient difficile alors que l'on est à l'état embryonnaire. Ça occasionne la lenteur dans cette activité. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de banque au Burundi qui peut accorder un crédit pour la fabrication de ces sources d'énergie. Je pense qu'il serait mieux que le ministère de l'énergie et mine mette en place ce que je peux appeler fonds de garantie. Le ministère de l'énergie mines ne nie pas la cherté de ces matériaux. Selon ingénieur Martin Daïdzeye, directeur général de l'énergie, le gouvernement s'est déjà penché sur la question pour qu'il y ait des sources d'énergie à remplacer avec le bois. La preuve en est que, précise-t-il, les gaz sont aujourd'hui exonérés. Les machines qu'ils utilisent sont chères. Nous sommes en train d'analyser pour voir ce qu'il faut faire. Que ce soit dans l'octroi des exonérations, nous devons préparer des critères pour accorder ces exonérations. Si l'État a pris l'initiative d'exonérer les importateurs, par exemple du gaz, vous comprenez bien que c'est un grand effort de l'État. Ce directeur général renseigne également que des crédits accordés par la Banque des Jeunes vont contribuer au développement du secteur énergétique. L'étude réalisée en 2016 montre que les sources traditionnelles d'énergie comme le bois et du charbon sont utilisées à 95% au Burundi. Poursuivons ce journal à 13h passées de 6 minutes. Les habitants de la zone Muyebe, en commune Musigati, de la province Bubanza, se réjouissent de l'alimentation en eau potable de leur zone par l'agence hydraulique en milieu rural. Dans une descente effectuée dans cette zone ce vendredi, le ministre Kom Manirakiza, quant à lui, demande à ses habitants de bien entretenir ses infrastructures après avoir constaté que ces dernières ne durent pas longtemps. Après la réception, le ministre Manirakiza indique que son ministère va désormais suivre de près de tels projets qui ne durent pas alors qu'ils ont coûté énormément cher à l'État. Le point avec Aimé Richard Niyonguru. Nous sommes dans la forêt naturelle de Musigati, surplombant la colline Vitari de la zone Muyebe, dans la province Bubanza, dans une zone aménagée, abritant la source de captage d'eau qui va alimenter les communes de Musigati, Rugazi, Manda et Gihanga, une région qui souffre généralement du manque d'eau potable, comme l'a souligné Kom Manirakiza, ministre en charge de l'hydraulique, après une visite effectuée en zone Muyebe de la commune Musigati ce vendredi, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ce sont ces régions de plaine surtout. Vous voyez la plaine de Limbo, vous voyez la plaine du Mosso, vous voyez les zones de Bugesera où pratiquement il n'y a pas de source d'approvisionnement. Certains habitants de la zone Muyebe se réjouissent qu'ils vont désormais avoir l'eau potable, déplorant qu'ils étaient habitués à consommer l'eau des rivières. Ce que nous bénéficions est qu'auparavant nous vivions de l'eau sale, mais maintenant nous vivons de l'eau propre. C'est ça l'avantage pour nous. Il y a que les fidèles, élèves de la 6e année à l'école fondamentale de Vitari en zone Muyebe sont dissatisfaites d'avoir l'eau potable de chez elles. En charge de l'hydraulique, quant à lui, recommande à cette population de bien maintenir de telles infrastructures et promet de son côté un suivi régulier. Ces derniers temps, on remarque que une fois réceptionnées les infrastructures, la maintenance ne suit pas. Et cela fait que, justement, à un certain moment, l'eau ne puisse plus arriver dans les différentes infrastructures construites. Ce projet d'adduction d'eau potable en cette région coûtera 2 milliards de nos francs, dit le ministre en charge de l'hydraulique, et 45 000 ménages, 3 centres de santé et 16 établissements secondaires seront alimentés en eau potable. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, les jeunes ayant terminé leurs études mais sans emploi devraient s'atteler aux activités génératrices de revenus. Cela est dit par certains jeunes de la commune Matana en province Bururi qui se sont créés une association fabriquant les savons et les craies. Ils affirment qu'ils peuvent se procurer du savon et autre chose. Cependant, le manque du matériel suffisant est l'un des difficultés auxquelles ces jeunes font face. Et au niveau de l'administration communale, on informe qu'ils toquent ici et là pour chercher un appui de ces jeunes. Les détails avec Vestine Boutoui. Ces jeunes de la commune Matana en province Bururi ayant terminé leurs études sans toutefois avoir de l'emploi, s'estimant à plus de 180 personnes, se regroupent dans une association pour le développement intégral et la promotion des initiatives communautaires ADIPIC en sigle, fabriquant les savons et les craies. Ces jeunes expliquent que le sous-emploi les a motivés à se créer de l'emploi. Gilbert Nyeshimana est l'un d'entre eux. Il indique que pour pouvoir mettre en place la dite association, ils ont commencé à contribuer mensuellement une petite somme d'argent comprise entre 500 francs et 1000 francs burundais. Nous avons Il y a nos efforts en collectant un petit capital pour chaque membre. Mais seulement chacun peut suivre sa capacité de revenir. Grâce à leur association, il affirme qu'il ne manque plus du savon pour la lessive. Les avantages que nous avons tirés dans cette association, j'ai pris connaissance de certains individus qui viennent de toutes les collines qui composent notre commune. Dès que je travaille ici, je ne manque pas du savon pour la lessive ou pour me laver. Cependant, Gilbert Nguesimana déplore que le manque du matériel suffisant soit l'un des obstacles empêchant le développement de la dite association. Il y a le manque des outils à utiliser. Nous sommes assez nombreux, mais les outils qu'on utilise pour fabriquer le savon ou les craies sont moins nombreux. Par exemple, nous avons une seule machine pour la fabrication des craies, alors que dans l'association, nous sommes au nombre de 182. Au moment où ces jeunes demandent une assistance pour la satisfaction de leurs besoins au niveau de l'administration communale, ils signalent qu'ils sont en train de toquer sur les portes des différentes organisations dans le but de solliciter un appui de ces jeunes et appellent les autres jeunes qui n'ont pas encore adhéré dans des associations à le faire pour combattre le chômage. Merci Vestine Butoyi. Quittons Bururi et rendons-nous à Ngozi où il y a la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité ces jours-ci dans cette province qui varie entre 100 francs et 400 francs le kilo alors que la récolte venait de prendre fin. Le conseiller économique du gouverneur explique cette montée des prix par de fortes pluies qui ont endommagé ces cultures causant ainsi la chute de la production. Correspondance signée Apollinaire Muzagara. Presque toutes ces cultures vivrières connaissent actuellement en province Ngozi une hausse des prix depuis un mois. À titre d'exemple, un kilo de pommes de terre est à 900 francs contre 600 francs d'il y a un mois. Le riz dit Gitega est à 1900 francs voire 1950 contre 1700 francs. La farine de manioc qui coûtait 700 francs est actuellement à 1000 francs le kilo. Un kilo de colocase se vend actuellement à 800 francs contre 600 francs, voire 550 d'alors. Le haricot simple s'achète à 1300 le kilo, contre 1000 francs d'il y a un mois. Celui de semences de bonne qualité coûte 1800 francs le kilo, alors qu'il était à 1500. Ceux qui s'approvisionnent en denrées alimentaires au chef-lieu de la province Ngozi s'étonnent du fait que cette situation arrive juste après la récolte de bon nombre de ces cultures. Le conseil économique du gouverneur de la province Ngozi explique cette hausse des prix par de fortes pluies qui ont endommagé ces cultures, causant ainsi la chute du rendement attendu. Donc Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Restons toujours dans cette province de Ngozi, où c'est la célébration ce samedi de 100 ans d'existence de la ville de Ngozi. Claude Nahayo, président du comité d'organisation, dit que le message à donner est d'appeler aux générations futures de travailler en luttant contre la pauvreté et la famine et que la ville de Ngozi reste une ville caractérisée par de belles maisons et de routes bien aménagées. Suivez Claude Nahayo. La ville a été créée en 1920, aujourd'hui nous sommes en 2020, c'est-à-dire qu'on vient de passer exactement 100 ans. Mais ces 100 ans ont été émaillés, pas mal de choses, il y a eu des crises cycliques, il y a eu des divisions interethniques, il y a eu des divisions parmi les différentes composantes de la population de cette province. Mais aussi, vous vous souvenez, pendant cette période, nos ancêtres ont eu à faire face à la colonisation, ont eu à faire face à la arité, ont eu à arité pour l'indépendance. Et vous comprenez que nos ancêtres n'ont pas eu beaucoup de temps pour bien sûr rendre plus prospère, pour bien sûr rendre plus attirante la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, comme le thème central est la flamme qui brille à jamais, que la flamme à jamais, on va donner le message à la nouvelle génération, aux générations d'aujourd'hui et aux générations futures de continuer à travailler d'arrache-pied pour rendre la ville plus prospère, pour rendre la ville plus attirante, pour rendre la ville plus vivable, plus qu'on le voit aujourd'hui. Donc il y a un message clé à donner, il y a un message, une vision à donner à cette génération qui sommes actuellement ici, mais aussi aux générations futures, surtout pour ce qui est de voir comment lutter pour le développement, lutter pour la prospérité, lutter pour l'amour, lutter contre la pauvreté, pour justement asseoir une gouvernance adéquate, pour asseoir un développement durable intégré. C'est par là que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Raissa Liliane Inamahoro, j'étais à la présentation de ce journal. Merci à Alphonse Koubguimana qui était à la cabine technique. Tout juste après, vous retrouvez la revue de la presse. Sinon, au revoir et bon week-end à tous. Revue de la presse. L'enseignement de la santé sexuelle ne diminue pas les grossesses non désirées, constate la voix de l'enseignant qui s'appuie sur les données du Fonds des Nations Unies pour la population FINUAP, montrant que de 2016 à 2017, 1064 jeunes filles ont abandonné l'école suite aux grossesses non désirées, que de 2017 à 2018, ce chiffre a augmenté jusqu'à atteindre 1092. Les enseignants disent que leur instruction en matière de sexualité n'apporte pas de changement parce qu'ils ne sont pas épaulés par les parents qui considèrent comme tabou tout ce qui concerne la sexualité, rapporte ce journal. Ils ajoutent que leurs enseignements sont contredits par d'autres sources d'informations, notamment les réseaux sociaux qui incitent les jeunes au vagabondage sexuel. Cet hebdomadaire de l'éducation rapporte aussi le témoignage d'une enseignante psychologue qui donne le cours de formation patriotique et humaine dans un lycée municipal de Bujumbura et qui fait remarquer que les filles bénéficient des conseils sur l'éducation sexuelle très tardivement. Selon elle, l'enfant devrait bénéficier des informations qui concernent sa vie depuis l'âge de 5 ans avant de commencer l'école fondamentale à 6 ans. Et ses enseignants de suggérer une synergie des parents, des enseignants et des intervenants en matière de l'éducation et de la santé pour atteindre l'objectif du gouvernement burundais de zéro grossesse d'ici 2030, conclut cet hebdomadaire de l'éducation. Et dans une des dépêches de ce vendredi 28 février, NetPress nous apprend que parmi les auteurs de ces grossesses, il y a les enseignants qui invitent les élèves à coucher avec eux si elles veulent obtenir des résultats satisfaisants qui leur permettent d'avancer de classe. Et pour preuve, ce quotidien en ligne rapporte que dans la province de Kayanza, au nord du pays, deux enseignants ayant engrossé des filles dans deux communes différentes ont été obligés de déserter le travail pour échapper aux poursuites judiciaires. Un troisième a été appréhendé et se trouve entre les mains de la police. Cet homme, qui est pour le moment enfermé dans les cachots du commissariat de police et dans cette entité provinciale, aurait à lui seul engrossé 19 élèves filles. Ce qui est navrant, c'est que parmi les enseignants auteurs de grossesse, il y en a qui sont mariés, ce qui déstabilise leur foyer une fois qu'ils sont soupçonnés, écrit NetPress. L'agence burundaise de presse écrit sur les partenaires de la santé en province de Karusi, appelé à contribuer pour lutter contre la démographie galopante. Selon Dr Leonidas Nzisabira, médecin provincial à Karusi, cité par notre confrère, la démographie constitue une menace pour la province Karusi en particulier et tout le pays en général. La province Karusi, écrit toujours la BP, fait partie des provinces burundaises dont la démographie est galopante. Ce responsable sanitaire note que la province Karusi enregistre des grossesses et des mariages légaux ou illégaux précoces à l'âge de moins de 18 ans pour les jeunes filles. Pire encore, déplore Dr Ndisabira, l'adhésion aux méthodes contraceptives laisse à désirer et l'est à améliorer. Il souhaite à cet effet que la culture de sexualité responsable soit enseignée pour réussir le planning familial et la santé saine, conclut la BP. Revue de la presse. Fraude fiscale, la capitale économique première en 2019, révèle Burundi Echo, qui écrit que sur plus de 970 millions de francs burundais recouvrés de la fraude et de la contrebande en 2019, sur tout le territoire, plus de 420 millions l'ont été en mairie de Bujumbura, suivi de Rutana, avec plus de 100 millions. C'est un document de l'Office burundais des recettes, OBR. Ce journal montre que les marchandises à haut niveau de taxes, produits sensibles, ou avec surtaxes comme les pagnes, le sucre, la farine de blé, l'olé en poudre, les piles électriques, sont des marchandises souvent fraudées. Ce journal ajoute que les marchandises nécessitant une licence comme le carburant, les engrais chimiques, les sachets en plastique, de même que celles avec surtaxes comme les tissus importés, les vins et liqueurs, ainsi que les médicaments attirent la fraude et la contrebande. De longues fiançailles, la clé pour un mariage réussi, s'interroge le collectif des blogueurs Yaga. Le blogueur constate que la question fait souvent objet de discussions, comme ce jour où, lors d'une célébration nuptiale, il dit se retrouver pris entre plusieurs commentaires de convives curieux face à la rapidité des tourtereaux à se dire oui pour la vie. D'après Dr Renova Tirambona, professeur en psychologie et doyenne de la faculté de psychologie à l'Université du Burundi, cité par ce blogueur, se précipiter pour le mariage est un facteur de risque pour une déception. Et pour conclure, Yaga laisse entendre que devenir amoureux de son conjoint après le mariage existe, mais ce n'est pas toujours évident. Pour le blogueur, se connaître, s'aimer, se marier, tel devrait donc être l'ordre des choses, suggère-t-il. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana et Linibel Nibigira. Bonne suite des programmes de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.